Latine Beat Mixtape, mixé par Mirko. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tres coronas, Latine Beat Mixtape, Tres coronas, vamos. Vamos a aclarar quién es el à la moitié, j'suis pas séparé. J'vais point pas de la bête, t'inquiète, y'a ce qu'il faut. Un pour un, dent pour dent, mot pour mot. Vados, locos, dis-moi combien t'es gâtés, suivons au charbon. Pocos, qu'on m'atteigne vraiment con sous le feu du bonbon. Porto, c'est plus dans le rap, crois-moi que tu feras des millions. Pocon, si tu tiens pas, mais dis pas dans tes chansons. Trop avant des lives au mic, ils te mentent quand ils rappent. Tant ou tard, ils craquent. Jérôme Cahuzac, fuck, fuck leur mic-nac. Mets-les tous dans le même sac, j'te laisse ma place dans ce game. Le rap est mort, déjà chacun de près, j'vais sonner le requiem. Mon dieu, amen. Bang, bang, face au cœur Cobain. Viens pas pleurer, c'est qui a tué, à quoi vous hurler, si tout a brûlé. Le rap est plus système qu'on dénonçait. Sexe, drogue, violence, moelle. Un monologue d'un triste pamphle. Fuck la radio, où sont les vrais DJ. Survivant comme Mad Max dans un monde de pimp. Strasse, marou de lunettes noires, sirène, Getty pour la tête. J'ai qu'un seul frère, qu'une famille, mais plus de sensei. Un style de dingue. Un flot trompé dans la fin, j'te cuisine comme la crame. Du feu de la flotte quelques grammes. Reste tranquille pour rap, t'en flamme. J'veux pas ta gosse, c'est elle qui me réclame. Mic check, test, test. Viens pas lâcher mon meilleur texte. Comme pas lâcher mon meilleur texte. En el rap sí que tumbo. Vamos a darle esa boca a esa mano de loco. Con Gabongo te toco, prende el blunt y yo me enfoco. Chango, canto y yema ya se forma el bembé. Guiro siempre, clave el nene, créeme. Palvo chinchero primero, guabanco callejero. Suena cuero en el cuerpo entero, severo ese rapero. Mero, mero, miñero, ruñeme y mamá me muero. Sabor a barrio obrero, empecé de cero, parcero. Buscando dinero, manera de definirme. El que espera, termina perdiendo la guerra. Y yo solito con mi tumbadito. Y donde voy agito bandera, pues soy colombianito. Y si me sale la rima es de puro corazón. Saquen la aguardiente y ron, vamos al vacío. Que no me clasifiquen, que no me juzguen, que no me miren mal, que no me tiren sal. Déjenme sano, yo vivo a mi manera. Y aunque me toca duro, siempre lleno mi nevera. Yo ando suelto, revuelto, haciendo vueltos. Muchos inventos, buscando el modo del almuerzo. Buscando el camino que menos problemas me dé. Buscando llenar el bolsillo y un plato de comer. Con la fuerza del Señor, echo pa'lante. Nadie que nos critique y nadie que nos espante. Mante duro de cortar caro como el diamante. Pero el talento y las ganas me hacían más grande. Consequences of volition, I'm a dog off the chain. Homes, I just can't be controlled. On the stroll, ready to go. Toe to toe, leaving no slow in the brain. That's it, I done gone fucking insane. All these levels claim my game, but we put them to shame. These are fucked up times, I don't care anymore. So take your last breath, putas, cause I'm about to explode. Kicking the doors, busting shots, running the block. On the dot, yeah. Familiaros, don't stop. My gangster familia, holding that crown. Put it down. For the south side of town. Us barrio callejeros, we're holding it down. 24-7 on the streets, yeah, we're letting off rounds. If you ain't a neighbor, then you ain't welcome. Any on our car, we're gonna fucking dump. Us barrio callejeros, we're holding it down. 24-7 on the streets, yeah, we're letting off rounds. If you ain't a neighbor, then you ain't welcome. Any on our car, we're gonna fucking dump. Gatilleros en mi calle tirando chingo de sangre. Garfio callejeros, tramos plomo y acero. No te pongas loco culero, te despedazo y te entierro. Con mi estilo vaquero, sin respeto yo te digo. Estos versos pa' que se queden grabados. Vienen tus sesos, puto esqueleto, liro malo. Faltaste al respeto, te has metido a lo culero. Así que listo, traigo mi juguetito. Te lo pongo en tu cara, te mato como si nada. Pues yo no pierdo nada. Eres una puta cagada, puro vato chingón. Conmigo andan, pinche mamón. MGF pandilleros, somos familiares. Encuéntrame y te mando al cementerio. Así es perro, agárrame el fierro. Tú ya sabes qué pedo, así ya no vas a tener mucho miedo. Espacio callejeros, we're holding it down 24/7 on the streets, yeah we're letting off rounds. If you ain't a neighbor then you ain't welcome. In the armored car, we're gonna fucking dump. Espacio callejeros, we're holding it down 24/7 on the streets, yeah we're letting off rounds. If you ain't a neighbor then you ain't welcome. In the armored car, we're gonna fucking dump. I say much has changed local scenes back in the days. From using bumper jacks to Uzis that spray. These little fools be hard headed, not giving a fuck. 24/7 on the streets, yeah they're running amok. So I take another puff and start drifting on a memory. Thinking about those good old days, how we used to be. Marfa Street rolling deep, push out for the enemy. That's how it was, how it has to be. Taking no shit, keep it real OG. No talking down, just get at me. You know what I mean, on my block. Keeping cutting bodies rock. Fuck you ain't, we cannot stop. Cutting fuckers, c'est trop tard. Looking at you, now past you. You stupid motherfucker, I'm the one to blast you. I'm creeping slowly, smoking Mary Jane till I die with the homies. We be from no profile, I'm coming at you with the fuck the word now. Bow down, stand down, I got the ammunition, I was time for you to lay down. Now you know what I could do, I don't give a fuck when I'm after you. SD Cali 619, and I thought I'd let you know that I'm the one of a kind. Two shots to the face, and I'm still coming at you and I'm taking to the pace. Now you know what I'm all about, now you're really gonna know what I was talking about. Here I am to let you know, to let you know that we're the ones to rock every car show. Making money every day, and then I gotta take a puff with the Mary Jane. Now I show how it's done, why you wanna battle when you feel that dumb. Now you're gonna die, you die, I'll because you talk a lot of shit like. Everybody out of North, out of the West Coast, we be the ones to be rocking every car show. Taking the money and we be having the host. Just a little something to let you know. Now you see us coming through, what you motherfuckers really wanna do. I say just you keep away, cause if you don't then you die. That's the way, bitch. BB's Calibata. As a child, my aim's all well, cause he's there to talk aloud. How are you gonna do the hitty thing to do when you cut yourself off and you're destined to lose? Cruise, then I can hear my blues. Views of the panic and the booze. I choose all the weapons that I use. I use when I live in a bruise. Choose your destiny, love is felony. Either way you look, because I'm causing a catastrophe. Yellow tape, spreading in this place. Heard a scene on TV, no one knows it was me, huh? It's a killer on the loose with no proof. And I step up on the roof, then I shoot. Put a rock on the spot, cause that I was me. Ha, homeboys, but I wanted you to think. Show on you, cause if you acting like a fool, you're looking to prove. And I have nothing to prove. Where the bud at, bud at? Look at where the Joe's at. Don't the bitches know that. Give me the pump that, what is it? Here I come to blast you. Flip it like a motherfucker, putting it down. Blaze it like a motherfucker, smoking a pound. If only motherfuckers could see me now. Laced up in the cup with thugs, bumping loud. I see all the poop being mo. That kind of shit don't make me none. OG from the hood, south up. Southern Bay clique full of players and thugs who wanna roll with us. Life ain't nothing but a jungle to us. So I walk on the streets, yeah, they struggle to us. Pass the blood, that's on the real, don't be fucking with us. A lot of motherfuckers say my beats are too slow. Smoke too much endo, sound like a negro. I'ma spit the shit the best way I see fit. Eat a dick, y'all don't know shit. Watch me as I make a beat, best beat cause I'm off the heat. Especially with scripts like these. Nobody coming with this much heat. Southside for those who don't know. South Bay, Palm Avenue for sure. SD13 from my G's on the street. So they make a thug flipping on the beat. Like that, don't you? Kinda sound good. Makes you wanna burn some of that wood. Don't need, go ahead, speak on it. Bumpin' ass cut, that's me on it. Poppin' that Timmy gate with his bulldoze trip. We heading out through the dough. Pop pop to the Glock, go in. Watch all of that bulldoze rock to the flow. We heading to the club, we lookin' for some love. Smokin' up, put above the law. Motherfuckers never trip when I rock up the clip. Cause I'm spittin' my lyrics rough and raw. Livin' in the middle of a scene. Motherfuckers never grin when I come in with a Mac 10. Prop, prop, take it by the drop. Always never gonna stop. I'm seein' the nigga but the gin. Never wait when you move. I've been sinning how I've seen. Niggas like you in the pen. No other kid in the pen. Niggas in the game. We're taking for reds on my forehead. Now we play. Honey, now we're lifeless. Never felt like this. Back back on my life. Show me how I have been charged. Feu de l'action qui détermine ta position. Ne sens pas la pression, ces pulsations comme le son. Ces frissons dans le feu de l'action qui détermine ta position. Bienvenue dans l'arène où les haines se déchaînent et où ta peine devient l'aubaine pour celui qui tiendra les rênes. Je suis un guerrier qu'on se produirait les brises à mon cœur bat pour le combat. Tu ne vois pas toi, tu fais pas le poids. Ferme là le max, ça prend comme ça. J'abats mes bras de sang froid, pas de pitié quand j'applique mes lois. Je peux péter le matos, c'est le retour de l'original. Mais devinez quand voilà, faut les bastos. Pour chaque admirer, j'ai dû verser du larme. C'est le prix à payer pour fermer les fuites de sang dans mon âme. J'ai dû me réfugier dans les montagnes, me purger. J'ai guéri, me suis protégé, juré le diable, je l'ai cru, j'ai t'inquiète loco, à présent je suis blindé sous la peau. La mort c'est casse blanche de clou et un bon coup de marteau. Que l'on me donne de mon vivant tout ce que l'on doit me donner. Je reviens pour le bénéfice de bêtises qui va me sauver de ma langue. Je suis paré de ce boulot. Regarde qui porte les médailles, c'est le général. Respect those dice on fight so fine. Qu'on m'écarte des autres, moi je fais pas d'appart. C'est l'expérience qui parle quand je manie mon âme. Je suis venu sur le sable, combien sont tombés. Que se sont relevés le torse bombé. Ici on fait de chaque jour une opportunité. Et on voit qui est qui que dans l'adversité. Sors de là, esquive l'or. Sors de là, esquive les coups. Sors de là, esquive les coups. Pousse ton arme, les faux dehors. Dans la vie soit tu montes en grade, soit tu portes la malle. Soit c'est héros, c'est dans la poudre à canon, séché par la brise de l'obus. Chacune de mes phrases est bénie comme les balles qui vont droit au but. J'allume une bougie, un cierge, je ne crains aucun ennemi. Que la Vierge me protège plutôt des jalousies des faux amis. La peur, un handicap, qui la contrôle pas, dérape. Dans le rap, tu captes à l'acte, c'est la première frappe qui me capte. Ça se tape comme Fight Club, moi je m'approche des vrais qu'on fait leurs preuves. J'ai monté mon besoin à l'arrêt, mon diplôme, mais que les billets bleus vont faire chialer les vœux. J'observe la multitude à 2600 mètres d'altitude. J'arrive de Bogota où ça veut rime avec trois altitudes. Un flow cadencé, les ghettos se mettent à danser. Malice indigène, poésie urbaine dans le même cocktail condensé. Sachez les gangsters sans jamais sortir de son quartier. Viens faire ton show dans la vraie favela. Ici on va pas casser des larmes. C'est la mort du pauvre, la haine symbolise des choses. Quand les riches du haut de sa tête tombent dans la faute d'un prêtre, elle se fout. Regarde, qui porte le métal, c'est le jour en rage. Todo el día en mi barrio. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a ese? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de saturotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje, así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. ¡Ah, viejito, hijo de la corneta! ¿Qué me pregunta, compa? ¿Qué si al perico yo le hago? Le saqué la bolsita, que yo lo acompaño al baño. No espere que destornude, no es primer vez que yo le hago. Usted me ha de disculpar, perdone el atrevimiento. Es que me ha caído bien, y es por eso que me aviento. Invitarle un periquito pa' que se sienta contento. A mí me gusta andar solo porque conozco a las ratas. Se hacen pasar por amigos pa' que les tengas confianza. Nomás te miran arriba, hocico es el que les sobra. González de Atotonilco, San Luis Potosí, México. ¡Y el chile ganan mis potosinos! ¡México querido! Latin Fiends, mixtape, mixtape, mixtape, mixtape, mixtape, mixtape. Los mexicanos son parranderos. Los mexicanos son parranderos. En el estado de Jalisco, en el estado de Sinaloa, en el estado de Michoacán, son parranderos, son pistoleros. Soy mexicano hasta el tope y me gusta la loquera. En una borrachera paseo la cartera. Desde México a Los Ángeles cruzamos la frontera, arriesgando la vida con el sueño de hacer feria. Toda mi raza, pongan sus manos para arriba, agarren su bebida y disfruten de la vida. Los mexicanos somos pistoleros, tenemos fama de ser parranderos. Quemando llanta en mi troca perrona, nos quieren quitar la licencia en California. Pero no por eso voy a dejar de manejar, que nos dejen en paz para poder trabajar. Pero es la misma canción, tomamos acción. Tengan precaución al rugido del cañón. Hagan lo que hagan y digan lo que quieran, pero esta es nuestra tierra. Los mexicanos son parranderos. Los mexicanos son parranderos. En el estado de Jalisco, en el estado de Jalisco. Like Roger Trout, man, your insurance policy rejected. Cause I'ma kill all your surviving family members. You wish to prosper by collecting it. definite. You a blundering idiot, so you get bust like black kids off the white schools in the 60s did. I bring asphyxiation to rappers gas like being in a garage car engine running without no ventilation. My flow innovation higher than trailer trash aspiration. I'm hungrier than chicks tied up in Rick James' basement. Face it, you don't compare to mine. There is no reason for your existence whatsoever after Cheeto XL. You get no chance to counterattack about your raps. I'll show you facts till you draw your own conclusions that you are whack. In your spiritual crisis, just bow down to who the lyrical Christ is. Making graven images of my likeness. Despite this, I'm mugs like Cypress. Nigga, be real, I have you on the wheel of fortune. Buying an eye right next to Bush with Bill. I drill any MC with my speech. Showing frauds who the strongest, like Mono Tyson beating down Tyrese. You can't hit up, what? Pump my shit up the full blast. Word to God, roast the niggas that laugh last. How far are you willing to go? Till I'm dead ass. I swear to God, we roast the niggas that laugh last. You can't hit up, pump my shit up the full blast. Word to God, she know the nigga that laugh last. How far are you willing to go? Till I'm dead ass. I swear to God, she know the nigga that laugh last. Church steeple. I swear before God and five other Latin people, we ignore amateurs. Me and B-Real stick together like pages of porn mags between Cool Keith mattresses.